Yeah. Yo

Zaza. Thank you. pas l'amour, c'est diabolique. Écoutez, chantons la Zora dans le feuillage. Cette chanson est un poème, poème d'amour. Lélélé, bolingo. Bangunaye, Yeah. saninga ye nzela ya farina suisse epa ya tezisenga sosilisa makambo masili na nimi nayingela mowumbu na libota na ye yeye bolakisaninga ye nzela ya paris rosane epa ya mwana mama sosilisa makambo makala kona kitoko na ye kondane bolakisa ninga ye nzela na paris dakar epa ya tiani mama sosilisa makambo ngai nasili na nini nayingela mowumbu na libota na ye yeye kisaninga ye nzela ya paris lausanne epa ya kuentro papa sosilisa makambo ngai nasili na nini nayingela makala kona kitoko na ye yeye Le président, ma pacheco, fondo de carro, Boli. Ça va les sœurs. Attention, attention, mesdames, mesdames et messieurs. Le match va commencer. Le match va commencer ce soir. La balle est sur le pied qui Mac Maker. Mac Maker cherche à maintenir du Maker sur la droite. Qui dit du balade. Diplo du balade. Talon sur qui Jean-Henri Smabelé. Jean-Henri Smabelé. Jean-Baron sur qui sur Mac Nachalin. Mac Nachalin. Voilà le but. Poli, yeah, yeah. Monte, peli, monte.